כמה נהרגו. Y'a comme un arrière-goût. J'suis parti tête baissée, j'connais pas la route. Moi j'en ai rien à foutre. Et si j'me perds en chemin, j'reviens à la source. Y'a comme un arrière-goût. J'suis parti tête baissée, j'connais pas la route. Moi j'en ai rien à foutre. Et si j'me perds en chemin, j'reviens à la source. Fais ton chemin en silence. C'est pas moi qui gère tes finances, j'ai la NIA. Bas les couilles des millions. J'suis un putain de rage, elle bat les couilles d'être mignon. Faut pas abuser, hein. Cœur froid, j'sens plus mes mains. On va trop vite, bébé, j'trouve plus les freins. Et si j'pédave, c'est pour t'oublier, toi. Avec ou sans reine, c'est moi le roi, j'ai pas le choix. Y'a comme un arrière-goût. J'suis parti tête baissée, j'connais pas la route. Moi j'en ai rien à foutre. Et si j'me perds en chemin, j'reviens à la source. Y'a comme un arrière-goût. J'suis parti tête baissée, j'connais pas la route. Moi j'en ai rien à foutre. Et si je me perds en chemin, je reviens à la source. Je reviens à la source. De toute façon tu remixes toujours à ta sauce. T'es plutôt attachante, attache-toi à ta chance. Viens on fait le boulot, raconte-moi pas ta science. Je mets mon ego de côté, je pourrais même boycotter. On finit menotté, on verra de l'autre côté. Mais pas de chance, y'a toujours un arrière-goût. Je reviendrai pas, j'ai pas pris un aller-retour. Y'a comme un arrière-goût. Je suis parti tête baissée, je connais pas la route. Moi j'en ai rien à foutre. Et si je me perds en chemin, je reviens à la source. Y'a comme un arrière-goût. J'suis parti tête baissée, je connais pas la route. Moi j'en ai rien à foutre. Et si je me perds en chemin, je reviens à la source. Y'a comme un arrière-goût. J'suis parti tête baissée, je connais pas la route. Moi j'en ai rien à foutre. Et si je me perds en chemin, je reviens à la source. Y'a comme un arrière-goût. J'suis parti tête baissée, je connais pas la route. Moi j'en ai rien à foutre. Et si je me perds en chemin, je reviens à la source. Purchase your track today. Y'a la NIA. Pas les couilles des millions. Y'a comme un arrière-goût.